Mais les bandes se m'affuient et les rues me promènent au hasard. Un fantôme me chie, tend la main vers la lune. Un mystère suspendu à ses trois derniers temps. Éléphant, éléphant, éléphant. On le sait, tu t'as. Mais les bandes t'aiment à fuir et les rues me promènent au hasard. Le Seigneur est une suite à la dérive. La nature, une femme, un sourire, sa mission.